Bonjour, bonjour, vous êtes bien. Bulle de rêve, vous l'avez entendu encore sous le sceau des vacances. Le générique, évidemment, vient des vacances de Monsieur Hulot, le superbe film de Jacques Tati. C'est pas vraiment la rentrée encore. On est fin août, normalement, Bulle de rêve rentre un petit peu plus tard que ça. Et on va rentrer un peu plus tard comme ça. Donc, comme je l'ai dit, il est hors de question qu'on appelle ça l'émission de rentrée. Nous sommes toujours en vacances, tranquillement. Pourquoi cette émission? Cette émission parce qu'en fait, il y a un festival dans lequel je vous en ai souvent parlé, mais qui va commencer le 9 septembre et j'étais pas sûr d'avoir une date avant le 9 septembre. Donc on a décidé de faire une émission un petit peu spéciale et particulière fin août. Voilà, il faut bien de temps à autre. Autour de la table, trois personnes pour l'instant, une quatrième va venir. Sylvie Dimet, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, faut pas que je me trompe, il y a une autre Sylvie. Donc Sylvie Dimet, bien sûr, c'est la créatrice et la directrice du festival Croque Anime. On va parler avec elle, évidemment, du festival aujourd'hui et de la programmation de cette année. Sylvie Denet. Bonjour. Bonjour Sylvie. Donc ça, c'est presque pareil, hein. On va appeler Sylvie et puis ça peut être évident. Mais vous allez comprendre, de toute façon, il y en a une qui est réalisatrice. À moins que Sylvie ait un autre prénom. Hein? Elle a un autre prénom. Non, je trouve ça bien. Je pensais même que mon troisième ou quatrième invitant, on allait les appeler Sylvie. Donc, ou Sylvie 1, Sylvie 2. Voilà, non, vous allez comprendre, vous allez voir. Donc Sylvie Denet, qui elle est réalisatrice, pour la présenter, avant de la présenter beaucoup plus longuement tout à l'heure, c'est ce petit mot que je lui ai dit tout à l'heure, c'est Denis Valgenditz, voilà, président de l'AFCA, et qui était au comité de sélection du FICAM, hein, le festival de Meknès cette année, qui d'un seul coup vient me voir et me dit, mais tu connais une certaine Sylvie Denet? Et donc, dans ce cas-là, on regarde, on fait notre truc mental en se disant, putain, ça me dit rien, qu'est-ce que ça peut être, etc. Voilà, et ça a été, pour lui et pour pas mal de gens, un choc de la découvrir. En tout cas, voilà son cinéma, on va voir pourquoi. Et en effet, c'est quelqu'un qu'on découvre comme ça et qui n'a pas fait 50 écoles d'animation, et c'est intéressant. On va voir un petit peu son parcours. Et j'ai demandé à Sylvie, je lui ai dit, ben voilà, alors, il y avait Sylvie donc Denet, et j'ai demandé à Sylvie Dimet, donc deux Croque Anime. Je lui ai dit, ben tiens, est-ce qu'on pourra inviter, tu as une idée, on pourra inviter deux personnes qui sont en rapport avec le festival. Et elle m'a dit trois personnes. Elle a presque réussi, puisqu'elle en a eu quatre. J'ai oublié la quatrième. Je suis désolé pour la quatrième. Elle a dit quatre personnes, alors, visiblement. Il y en a deux qui ont accepté, les deux garçons et les deux filles. Ils ne peuvent pas venir. Non, elles devaient. Donc, elles ont accepté, au contraire, elles étaient super contentes. Donc, la première et fille. Manque de bol, c'était Brigitte Lecordier. Voilà. Donc, et manque de bol, elle a dû repartir en province. Et Isabelle Duval. Manque de bol, qu'il va aussi repartir pour la fin du mois en province. Donc, on a autour de ce micro pour l'instant Patrick Hernandez, bonjour. Bonjour. Bagan Film, on verra avec lui, on parlera un peu avec lui, mais c'est Sylvie qui va nous en parler un petit peu, voilà, voir les relations qu'il y a, et puis on va parler un petit peu évidemment de Bagan Film et du rapport avec l'animation. Et la quatrième chaise, pour l'instant vide, appartiendra à un monsieur qu'on ne présente quasiment plus du monde de l'animation, celui qui était l'invité spécial de la soirée d'ouverture de l'année dernière qu'on a fêté un peu partout dans le monde. On parlera avec lui de ça, justement. Didier Brunner, ex-armateur, aujourd'hui Folivari. On parlera de ce jeune retraité qu'on pensait l'année dernière, parti pour prendre du bon temps sur les plages, mais c'est sans connaître évidemment Didier Brunner. Il a de suite recréé une société de production et il est reparti avec encore plus de projets qu'avant. Donc voilà, on parlera de ça avec lui aussi. Pour l'instant, petite coupure musicale pour reprendre son souffle. On va écouter ce qui a été l'une de mes grandes découvertes, même si je connaissais le groupe. Il y a deux groupes, je vous en ferai découvrir un autre la prochaine fois, qui sera un groupe coréen qui fait du rock progressif un peu fou comme ça, avec des instruments aussi coréens traditionnels. Là, c'est un groupe qui est un grand fan, qui est un groupe fan de Pascal Comelade, ce musicien français complètement fou qui fait plein de choses étonnantes. Et eux, ils sont japonais, ils s'appellent les Pascal, donc en hommage à Pascal Comelade. Et là, vous allez entendre plutôt une version assez particulière de Moon River, autrement chantée aussi par notamment Drey Byrne et plein de grands, grands chanteurs. Ils sont absolument étonnants. Moi, je les ai vus dans un lieu alternatif à Paris en début d'été. S'ils passent, allez les voir. Ils sont 20 sur scène. Ils font des choses pas possibles. C'est complètement délirant. C'est très drôle et c'est d'une grande énergie, d'une grande beauté, d'une grande poésie. On écoute ça et on revient juste après pour parler de Croquanime. Merci Ariel. アニメーションの可能性は無限に広がっているっていうようないいよもっともらしいことを言いつつ、実はね、そのじゃあこういう企画を出した時になんでアニメでって同じ口が言うんですよ。自分たちで狭めてると思うんですよ。その表現の可能性が無限にあるって言いながら結局は美少女とロボットと爆発描きたいみたいなね。いやそうじゃないでしょって、無限にあるんだからこういうのがあってもいいじゃないかと。なかなかそっちの方でこう新しい素材というか今まで扱わなかったような題材をこう扱う人が出てこなくなるんです。 On dit que l'animation a un potentiel sans bornes, mais la même personne dira « ça ne convient pas pour l'animation ». C'est la frontière qui, la profession, excusez-moi, qui impose des frontières à l'animation. Jolie fille, robot, explosion. Voilà ce qu'il faut. Eh bien non, des films comme celui-ci existent et marchent. Je voudrais que de plus en plus d'artistes créent des histoires uniques en dessin animé. La personne que vous venez d'entendre est Ken Satoshi, grand réalisateur qui est décédé il y a maintenant 5 ans, qui manque énormément dans le monde de l'animation, par sa voix, par ses films. Il est temps de revoir évidemment et de revoir et revoir et revoir tous ses films, de Paprika, son dernier, jusqu'à Perfect Blue, son premier, en passant bien sûr par Million Actress. On a besoin de voix comme ça dans le monde de l'animation, des gens comme Ken Satoshi, qui est à l'intérieur d'un monde de l'animation souvent pris dans ses propres frontières, d'un seul coup, essaye de le faire avancer vers d'autres possibilités. Ken Satoshi est quelqu'un notamment qui pouvait mettre, là on l'entendait quand il parle de ce film, c'est Tokyo Godfathers, et essayer d'amener autre chose et d'autres personnes à l'écran. Par exemple, Tokyo Godfathers est quelqu'un qui parle d'une fugueuse, d'un SDF et d'un transsexuel, travesti pardon, et qui le jour de Noël en fait trouve un bébé dans les ordures et qui vont s'en occuper. C'est un remake d'un film de John Ford avec John Wayne, donc vous voyez des choses complètement différentes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui disait c'est pas parce que je fais de l'animation que j'ai pas le droit de parler de ce qui m'entoure, de la société, etc., etc. Je pensais évidemment c'est intéressant et c'est important d'avoir ce genre de choses où ça peut paraître un peu pour certains d'entre vous qui connaissaient pas forcément l'animation, dire mais oui mais ça paraît évident. Bah non, moi qui suis prof dans pas mal d'écoles, souvent on va dire aux élèves mais non pourquoi tu fais ça en animation, quelle est la plus-value de l'animation par rapport à finalement le sujet, ce qui fait que ça nous a empêché pendant des années de parler de sujets on va dire où il n'y a pas de métamorphose, de transformation, de choses absolument impossibles à avoir, on va dire dans la vie. Et donc Ken Satoshi est d'autant plus important à la fois dans ses films et dans ses paroles à écouter et à lire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était Ken Satoshi. Juste avant, les Pascal, vous avez entendu, il y a une petite chose entre Moon River et Ken Satoshi. C'était pas vraiment les Pascal, même si on aurait pu croire que ça rentrait dans le même délire. Autour de la table, j'ai oublié de faire un petit coucou et à Rémi et à Valentine qui ne sont pas autour de la table. Émission spéciale, donc configuration évidemment complètement spéciale. Voilà, tout est dit. Coucou Rémi, coucou Valentine. Voilà. Sylvie, c'est la combien d'éditions ? 8e. Est-ce que, sans faire de bilan, est-ce que par rapport à, moi quand j'ai découvert le festival, c'était il y a... En 2011. 2011, donc 4 ans. Quelle est l'évolution aujourd'hui que toi tu vois artistiquement, hein, pas forcément, enfin au niveau du public, artistiquement, pour toi, je te parle, voilà, pour ton plaisir de faire un festival, l'évolution en 4 ans, est-ce qu'il y en a eu, il y a une évolution qui est les réals, hein, les réalisateurs s'expriment encore plus qu'avant. Il y a encore, chez les étudiants, encore une prise qui est, un peu Walt Disney derrière ou DreamWorks. Mais sinon, on arrive à avoir vraiment autre chose. Et je pense que peut-être que les écoles elles-mêmes, d'ailleurs, ont peut-être lâché prise en disant faites aussi ce que vous avez envie plutôt que de partir sur un moule. Donc ça c'est très important parce que du coup il y a un autre regard et on s'intéresse peut-être encore plus. Moi qui viens quand même de l'extérieur et notamment par rapport au festival qui n'est pas fait justement que pour les personnes de l'animation et au contraire qui est pour faire connaître le film d'animation au grand public. Donc pour montrer que il y a autre chose à dire et je pense qu'on est justement sur cette voie-là. Alors toi de manière personnelle en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu as vu dans le festival entre 2010-2011, là où le festival devient, c'est pas de professionnaliser parce que le mot est, je sais pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas de l'amener vers d'autres rivages, à aujourd'hui, ce dont tu n'es pas le plus fier, mais ce dont tu es quand même content, tu dis là il y a ça qui a été amené, en plus je suis content d'avoir réussi à amener ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ou... Non, je pense que c'est un tout. L'évolution, je la vois à travers ça, comme je viens de te dire, sur ces films-là, mais où on voit que on s'exprime mieux, et c'est ce que j'avais envie aussi de voir, d'avoir toujours le même genre de film. Je pense que c'est ça pour moi l'évolution. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que, je pense, comme le festival prend de plus en plus de place, tu reçois de plus en plus de films ? Oui, je reçois de plus en plus de films, et beaucoup aussi des films de l'étranger. Et ça, je trouve ça formidable. À la fois formidable parce que les gens vraiment sont en train de pianoter un maximum sur Internet pour voir où se passent d'autres festivals. Alors, ce sont des étudiants, mais aussi les universités, c'est-à-dire ceux qui sont responsables d'université, parce que j'ai reçu vraiment des films venant de professeurs, venant de responsables, et pas uniquement que des étudiants. Donc ça, c'est superbe. C'est ce que j'aurais aimé aussi de la part des réalisateurs français, qui ne se fait pas autant. Et quand on parle avec justement de jeunes étudiants, mais je pensais que l'école s'en chargeait, ou je savais pas qu'on pouvait envoyer nos films. Donc voilà, ça c'est plutôt un peu le petit point négatif qu'il y a en France. C'est qu'il n'y a pas encore assez cette évolution de donner aux étudiants d'envoyer aussi leurs propres films, où on ne leur dit pas aussi. Et ça, par contre, ça n'a pas évolué depuis que j'organise ce festival. Il n'y a pas eu d'évolution. Et ça, c'est un petit problème. Comment se fait la sélection ? Donc déjà, dès que tu reçois les films, tout ce que tu peux voir. Et ensuite, il y a une première sélection qui est faite par rapport aux films étrangers, on va dire déjà, si ce n'est pas sous-titré français, si ça ne parle pas français. Moi, j'exige vraiment que tout soit soit en sous-titrage, soit parlé, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Et quand on reçoit quand même de différents pays, que ce soit aussi bien de Corée, du Japon, des États-Unis, de Slovaquie, de partout, pour moi c'est important. Et ensuite, je demande à toute une équipe qui soit aussi bien amateur, que ce soit parmi les personnes de films d'animation ou nos stagiaires, de venir et de faire une sélection également, d'avoir leur avis. Est-ce que toi, tu sens ton regard s'aiguiser de plus en plus, puisque tu vas à Annecy, tu vas dans des festivals ça c'est un nom que je connais, je me rappelle, il y a 3 ans, on a pris son film, ça m'intéresse d'avoir son film. Est-ce que là, il y a quelque chose qui s'est mis en place aussi, toi, de ta part, ou c'est toujours le même visionnement et tu regardes les films comme il y a 5-6 ans, quand tu connaissais un petit peu moins bien le monde de l'animation? Non, mon œil s'est aussi à évoluer également, le regard automatiquement, et je m'aperçois que lorsque je fais une sélection, et encore une fois, je ne suis pas toute seule, mais c'est vrai que je suis quand même derrière, c'est souvent, je retrouve des films sélectionnés finalement que je retrouve dans d'autres festivals. Donc j'en suis très contente, parce que finalement on voit qu'il y a vraiment certains qui sortent malgré tout du lot. Je pense que ce qui m'a marqué, moi, en regardant les films sélectionnés, c'est qu'on va retrouver des films comme Il Plateau de Steven Holochen, Guida par exemple, on va retrouver des films qui Obad, Moine tout frais, c'est à dire regarder un petit peu au repos, c'est à dire des films qu'on n'avait pas forcément il y a 5-6 ans au festival, alors 4 ans, moi, que je l'ai découvert, qu'il n'y avait pas forcément il y a 4 ans. Est-ce que là, tu vas aller chercher toi en disant « Mille Plateaux, j'adore votre film, envoyez-le moi » Quand j'ai reçu le film Mille Plateaux, j'étais super contente, et j'ai vite envoyé un petit mot à Steven en disant « Oh, j'ai ton film !» Mais c'était sa boîte qui me l'avait envoyé. Donc c'est là où je dis que l'étranger cherche énormément les films ailleurs. Et j'étais très contente. Ça veut dire que quelque part, il faut confiance à l'œil justement du Festival du film d'animation de Paris. Le public est au rendez-vous ? Oui. Ouais. À chaque séance, je sais que souvent, il y a beaucoup de monde. Oui, il est au rendez-vous, et on commence à avoir vraiment une petite chaîne comme ça, des fidèles qui reviennent, et je vois par rapport aux mails aussi qu'on reçoit. Et ça, je dis pas que les salles sont remplies. Hein. On a quand même un théâtre que je remercie hein, en passant, le théâtre de Mille Montants, Yves n'importe quoi, Hugues Bastigalipo, que je remercie énormément. Et comment dire, c'est quand même un théâtre de 300 places. Quand j'ai organisé la première séance de ce festival en 2008, c'était dans nos locaux. Il y avait 40 places, c'était 2 jours, 3 séances par jour, un samedi et dimanche. Aujourd'hui, on a quand même 5 jours. Une salle de 300 places, on ne remplit pas les 300 places. C'est énorme, 300 places. Mais ça va venir, doucement, doucement. C'est très, très important pour toi. C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Absolument. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important, tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut le repréciser, c'est pour ça aussi que j'ai voulu absolument qu'on fasse cette émission aujourd'hui, avant le festival et bien avant, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément l'animation, et souvent quand je fais cette émission, je me dis, oh là là, mais c'est vrai qu'on est là, on parle de court-métrage, on parle d'Annecy, on parle de choses que nous on connaît dans le monde de l'animation, on parle de, voilà, du FICAM, de Bru, etc., qui sont pas forcément des festivals faciles à entrer, en tout cas, faut des fois avoir voilà, l'accréditation, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un festival qui est fait pour les auditeurs de Radio Libertaire, les fans d'animation bien évidemment, mais aussi ceux qui ne connaissent pas, et de rentrer dans une salle et découvrir finalement absolument, c'est très très important, puisque ben, c'est le but hein, du festival. Et alors cette année, ce que j'ai, on s'est inscrit sur un site, je vais faire de la pub, mais c'est Eventbrite. Et les gens, alors je ne sais pas comment connaissent les gens ce site, mais c'est pour s'inscrire. Et on a eu énormément d'inscriptions. On a mis chaque programme et les gens, du coup, choisissent déjà leur programme. Et c'est génial parce qu'on a déjà une quarantaine quand même, même plus, je crois, d'inscriptions. Donc je trouve ça super. Ça veut dire que vraiment, les gens recherchent autre chose. Alors, je pense que peut-être Didier est à la porte. Je ne sais pas, j'ai vu... Merci beaucoup Ariel. Ariel va y aller. Merci D'accord. beaucoup. Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, c'est possible. J'ai pas mes lunettes. Est-ce que les financements suivent ? Non. Et non, malheureusement non. Même si le festival restera gratuit, parce que c'est une volonté qui est très importante, justement pour faire connaître ce qu'est le film d'animation et les personnes, je voudrais pas qu'on me dise « Oh, je suis un peu déçu, j'ai payé pour ça. » Donc, au contraire, venez, il faut découvrir et finalement, les gens reviennent. Non, on n'a pas de subvention, malheureusement. Heureusement, on a la SACD qui est notre fidèle institut. Mais non, la mairie de Paris, par exemple, il y a eu des refus en nous disant qu'il y avait trop de festivals sur Paris et qu'on n'allait pas déloger d'autres. Je ne demande pas à déloger d'autres festivals. Mais non, on n'a pas. Le CNC aussi, je sais que le CNC aussi aide d'autres festivals. Peu importe comment, mais non, on a... Sachant qu'évidemment, pour les gens qui ne savent pas, il y a un seul festival qui est au Forum des Images, donc un peu à part, enfin voilà, qui est en décembre, et c'est quasiment le seul. Alors il y a Silhouette hein, qui a lieu bientôt, il y a d'autres festivals qui mélangent aussi, mais il n'y a aucun festival propre, on va dire, au cinéma d'animation, hors celui du Forum des Images. Et court-métrage. Voilà, et court-métrage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut... pour avoir plus de financement, il faut un combat à faire, il y a des... Je sais oui, pas qu'est-ce qu'il y a. C'est ouais. un combat et il faut en permanence renouveler les demandes, avoir aussi... même si on invite les personnes, elles ne viennent pas non plus, ça c'est un problème. Mais c'est simplement encore cette raison-là, c'est qu'on ne connaît pas le film d'animation. Même au niveau de la mairie de Paris, même au niveau d'autres mairies, le 20e, puisque je suis dans le 20e, on connaît, mais c'est pas assez approfondi. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas cette passion, allez, sans aller au-delà, je veux dire, jusqu'à la passion, ne serait-ce que l'intéressement. Venez voir ce qu'est le film d'animation, venez voir ce que ces jeunes talents veulent vous montrer. Voilà, être curieux, c'est de la culture, hein. Quand même. Alors, le festival, ça te permet de faire des rencontres. Est-ce que tu peux nous présenter la personne, vous ne voyez pas, on est à la radio, mais qui est à ma droite et que tu as dit, ah oui, je veux absolument, enfin, ça serait bien qu'il puisse venir et qui est là maintenant à bord du festival depuis l'année dernière ou même avant ? Non, Patrick est là depuis pas mal d'années déjà. Alors, vas-y. Comment j'ai rencontré Patrick, c'est très rigolo parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Je pensais l'avoir rencontré lors d'un autre festival, le Festival du film merveilleux que fait Bénédicte Baugeois et Maureen Gerby, qui est aussi les deux films, hein, film de prix de vue réel et animation. Et il me dit non, on s'est vu à un café lors de... Donc c'était à Belleville, je pense, lors de, d'un apéro animé. Et on a eu une discussion sur le qu'est-ce que c'est que le film d'animation, c'est quoi l'animation. Et d'ailleurs, il me semble qu'on avait parlé aussi là-dessus, c'était sur la marionnette. Et moi, pour moi, la marionnette n'est pas dans l'animation. Mais bon, on va pas discuter de ça. Mais c'est là où j'ai rencontré Patrick. Hein, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Ça a commencé par une dispute. Une dispute ? Non, mais par une conversation animée. Voilà, exactement. Oui, oui. Voilà. Alors, une petite parenthèse, bien évidemment... selon les, si on prend l'étymologie du mot animation, donc les anglophones, évidemment la marionnette à fil est dans l'animation, puisque c'est donner vie à quelque chose qui n'a pas de vie, donc forcément ça l'est. Si on prend la définition plutôt française ou européenne, qui est donc avant tout de l'image par image, bien évidemment la marionnette à fil d'un seul coup n'est plus dans ça. Donc ça, c'est notre grand problème, de savoir est-ce qu'on emploie le mot animation ou est-ce qu'on emploie le mot image par image. Voilà. C'est une et d'ailleurs, parenthèse, donc. Du coup, je pense que ça évolue un tout petit peu, même si ce n'est en France, et même cette année, le Festival d'Annecy s'est un peu ouvert à un programme, entre autres, de marionnettes à fil, parce que finalement, jusqu'à présent, donc, c'était effectivement la définition de image par image, et quelque part, avec l'arrivée du numérique, maintenant, voilà, du coup, ce n'est plus tout à fait exactement image par image. Alors, pour la 3D. Voilà, on viendra. C'est un superbe débat, très long débat. On va revenir sur sur Patrick. Hein, sur Patrick. Tu me demandais comment. Donc Patrick, on s'est rencontrés donc à cette fameuse soirée, enfin l'apéro animé, et ensuite il est venu au festival. Et je pense qu'il a adoré ce festival, puisque maintenant il ne quitte plus pourquoi le festival. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé en Croc-Anime ? Mais d'abord, suite à cet apéro, comme je ne connaissais pas encore le festival, donc elle me présente son festival et je dis « Ah mais nous, on produit de la prise de vue réelle mais aussi de l'animation. » Et donc du coup, j'ai deux courts-métrages, enfin surtout un qui est un peu plus récent. Elle me dit « Ah mais non, je t'arrête tout de suite, c'est les candidatures, ça y est, c'est clos, je suis en train de visionner, je suis en train de finir mon programme. Mais d'ailleurs, de toute façon, c'est très simple, même si ton film est bien, il n'y a plus de place. » Et moi, du coup, je me démonte pas, j'insiste, tout ça. Je suis pas forcément toujours aussi combatif que ça, mais comme déjà, on avait eu cette conversation passionnante. Et du coup, je lui dis, mais demain, je t'envoie un lien sur le film. De toute façon, tu aimes ou t'aimes pas, mais à la limite, ça te coûte quoi de le regarder? Et puis voilà. Et si t'as pas la place, tant pis. Et puis si on sait jamais, ça fait que 5 minutes, peut-être que tu trouveras. Voilà. Je lui envoie le lien et 24 heures après, elle me rappelle, elle me fait, bon, c'est bon, je suis arrivé à le glisser. Et c'est comme ça, du coup, je suis venu au festival et que j'ai découvert le festival. C'était Fleur Bleue, c'est ça ? C'était Fleur Bleue de Thomas Guérigen. Quand on regarde le site de Bagan Film, il y a de l'animation, il n'y en a pas tant que ça. Pour l'instant, il y a beaucoup plus de prises de vue réelles. Tout à fait. C'est quoi l'envie de faire de l'animation quand on est producteur, avant toute prise de vue réelle ou documentaire ? Oui. Se lancer dans l'animation ? Alors, d'abord, ça a commencé, j'étais passionné de bande dessinée et rapidement, je me suis rendu compte que je ne serais jamais un dessinateur de bande dessinée. Et puis, quelques années après, je suis passé, donc, on va dire, passionné de cinéma, donc à vouloir me dire que j'allais essayer d'en faire un métier. Donc j'ai commencé par une école de réalisation où on en sort assistant réalisateur. De là, assistant réalisateur, j'ai commencé, quand j'étais assistant réalisateur, en même temps, on me demandait à chaque fois un peu de produire en même temps les courts-métrages, les petites pubs. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je monte ma boîte de production. Donc j'avais monté une structure avec Jean-François Fontanelle, Matador Film. Et là, on a commencé à produire. Alors, il en est rapidement sorti parce que la production ne l'intéressait pas. J'ai produit du court, du clip, du film d'entreprise. Et du coup, mon premier court-métrage d'animation avec Thomas Guérigen, qui s'appelait Clonox. C'est celui-ci d'ailleurs qui a été présenté en marionnette à Annecy. Cette année en 2015. Donc c'est un peu un film qui a rené là cette année. Et après, du coup, est monté Bagan Film, spécialisé que dans la fiction, donc c'est-à-dire court, long et docu. Et donc du coup, c'est vrai que pour le moment à Bagan, nous avons produit que quelques courts-métrages. Et dans l'un des deux documentaires que nous avons fini cette année, il y a au début du film 4 minutes en animation 2D qui vont expliquer tout le contexte historique du génocide du Rwanda. Donc voilà, on aime l'animation. Alors, on a beaucoup de projets d'animation, mais du coup, il y a une autre structure qui s'appelle Bagheera Film, parce que finalement, Matador, on a eu envie, après Matador, de dissocier l'activité, on va dire, fiction, qui, et entre autres qui est en rapport par exemple avec le CNC ou autre, le public, de l'activité quelque part, les films de commande. Donc là du coup je mets aussi bien les clips que les films d'entreprise, tout ça. Et du coup dans Bagheera on fait aussi beaucoup d'animes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à proposer à chaque fois qu'on avait des appels d'offres, de proposer des réalisateurs d'animation et de l'animation. Et du coup on a fait une quinzaine de clips en animation, alors que au départ, il n'y en a pas non plus énormément d'animation des clips, mais on a prouvé et on a essayé de convaincre les directeurs artistiques et les directeurs marketing qu'on pouvait faire en clip de l'animation, bien sûr, ça ils le savaient, mais pas forcément avec des très très gros budgets et même dans des laps de temps assez restreints. Il suffisait simplement d'avoir un bon concept et que du coup le budget et le temps sont en adéquation, voilà, avec à la fois avec l'artiste et tout. Il y a même un long métrage en projet. Alors oui, qui est en développement depuis déjà. Donc, Thomas Grigan encore, hein, c'est une rencontre. Mais tout à fait, c'est devenu un de nos réalisateurs maison et un fidèle collaborateur depuis maintenant presque 15 ans. Donc voilà, on a produit avec lui ses courts-métrages, ses clips, des films d'entreprise. C'est à lui que j'ai confié aussi les 4 minutes d'animation sur le documentaire de Sonia Roland, du Chaos Miracle. Et on a donc effectivement Troglodis. Donc là, on vient de finir un deuxième teaser qui nous a demandé des mois de travail. Qu'on a commencé, avant qu'on monte notre studio, on a du coup effectivement été accueillis dans les locaux de Croc Anime de Sylvie Dimet pendant 2 mois. Et on a continué dans notre propre studio ce teaser. C'est très sympa d'ailleurs. Voilà. Et donc on a accueilli pas mal de graphistes à Croc Anime. Et du coup ce projet est du coup là maintenant, on vient de finir une nouvelle version de scénario qui est partie chez les distributeurs. Voilà, on est rentré dans une phase après la phase d'écriture, la phase de fabrication de teaser, la phase de on va dire de création du dossier un peu artistique, on est rentré dans une phase maintenant active de recherche de financement. Donc ça c'est le lien, on va dire un peu passion, le lien avec Croc Anime de l'animation. Il y a un autre lien qui est la réalisation d'interviews en fait pour le festival. Oui, j'avais déjà collaboré à un festival, puisqu'on parlait de festival à Paris, c'était donc là Paris Cours de Vent, où j'avais proposé au directeur de faire des interviews. Et du coup, on les avait fait ensemble. Et c'était des interviews du coup de personnalités plus ou moins connues du monde du court-métrage. Donc là, on était plus dans la prise de vue réelle. Et du coup, j'avais proposé comme ça qu'on fasse des petits modules pour interviewer des réalisateurs et des producteurs. Alors lui, il m'avait dit oui. Puis finalement, il m'avait dit ce qui serait bien, c'est que, puisqu'on en a fait une dizaine, c'est plutôt de faire une sorte de petite bande-annonce des 10. Et donc chaque année, finalement, il n'y avait qu'un seul module où il y avait un extrait de chacun des 10 interviews. Voilà. Et du coup, quand après, suite à la découverte en 2012 de ce festival, qui m'a donc beaucoup plu, j'ai proposé à Sylvie d'essayer de collaborer avec elle. Et du coup, j'y ai proposé de faire ses interviews. C'est intéressant quand on se lance un peu dans l'animation comme ça, de rencontrer tous ces gens producteurs. Il y a eu Didier Brunner, réalisateur, enfin, etc. Il y a eu toi aussi. Alexis, oui, toi aussi, David. Il y a eu Alexis. Intéressant. Disons que moi, j'ai essayé de penser pas au niveau bien sûr de mon intérêt, mais plutôt au niveau du public. Et comme Sylvie, ce qu'elle essaye de faire, c'est de faire découvrir le monde de l'animation à un public qui n'est pas forcément un public au début qui est connaisseur du monde de l'animation, parce que son festival, il est à Paris, c'est pas à Annecy, où là, justement, les gens savent que c'est le rendez-vous de l'animation. Et elle a voulu effectivement créer un festival à Paris de l'animation, dédié qu'à l'animation. Et en plus, avec une particularité, c'est aussi d'essayer de l'ancrer dans le 20e et donc de vouloir faire découvrir déjà un public qui n'est pas forcément connaisseur, et si ce n'est du 20e et de Paris, de venir découvrir l'animation. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ça serait bien aussi de montrer à ce public, jeune, moins jeune, connaisseur ou pas connaisseur, pas forcément l'envers du décor, puisqu'on est, c'est pas forcément making-of, mais c'est de montrer un peu quelles sont les personnes qui fabriquent, aussi bien en termes de graphistes que de réalisateurs que de producteurs. Et du coup, là, en 3 ans, voilà, on a, du coup, on a, entre guillemets, produit, réalisé un certain nombre d'interviews. Qui réalise, mais qui produit. Oui, voilà. Et aussi des avis, comme je pense à Isabelle Renaud, Vanini, oui, voilà, ou Alexis, voilà, journaliste. Exactement. Donc, voilà. Donc d'autres personnes qui gravitent ou qui ont eu connaissance, hein, voilà, c'est de l'animation. Et donc ça, c'est certains, en tout cas, peuvent se voir sur le Dailymotion de Croc Anime, en tout cas ceux de l'année dernière. On va faire une petite pause musicale pour reprendre de nouveau son souffle. Voilà, les bruitages sont faits par Sylvie, bien évidemment. On va écouter Nat King Cole avec sa version de Caravan, c'est la piste 4. Merci beaucoup Ariel, à tout de suite dans 2045. night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. In my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Et donc voilà, je reviens, on a un petit truc technique. Avec Ariel, j'ai failli t'appeler Nicolas Ariel. Oh là là, c'est peux, hein, y a pas c'est problème, l'habitude, hein. C'est l'habitude. C'était bien sûr la superbe composition Caravan par le grand Nat King Cole. C'est dur de parler après Nat King Cole avec cette voix absolument magnifique. Allez, c'est parti. Pendant que Sylvie me prend en photo, c'est une vraie paparazzi. La programmation de cette année. Il y a la sélection, on va pas en parler, elle a été faite. T'as fait ton choix, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais elle est faite juste par rapport à cette sélection. 3, 4, 5 possibilités: jeunesse, scolaire, tout public, film d'études, adulte. Pourquoi cette envie de travailler sur différents... Ben, scolaire, ça fait déjà depuis quelques années. Le scolaire, c'est d'ailleurs réservé normalement que pour les écoles, les enfants, hein, d'accord. Donc c'est pratiquement plein. D'ailleurs, j'invite, hein, on peut vérifier ça, on invite les écoles donc de la dernière année de maternelle, ce qu'on appelle la grande section, jusqu'au CM2, à venir au festival. Donc c'est pratiquement plein. Il y a 7 séances, mais il reste encore quelques places. Donc, s'il y en a qui veulent venir pendant ces séances, il n'y a aucun souci. Nous prévenir, simplement. Tu voulais me dire non ? Non. Ensuite, jeunesse, bien parce que même si je dis constamment que ce festival et que les films d'animation n'est pas que pour les enfants, c'est pour tout public, donc il n'y a pas question d'oublier les enfants. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que les enfants... Donc, le scolaire, comme les programmes jeunesse, les enfants vont voter pour le prix jeunesse. Et uniquement les enfants. On fait attention, on a nos yeux qui regardent bien s'il n'y a pas les parents derrière, qui veulent toujours voter également. Ensuite, différentes programmations, parce que c'est important. Adultes, alors j'aurais aimé que ça soit un peu plus, c'est vrai, comme on l'entend quand on dit le mot adulte, avec des films peut-être un peu plus osés, pour montrer que même en animation, on peut faire des films un peu plus osés et puis d'aller jusqu'où on peut aller, de toute manière. Hein. C'est le bienfait, ou comment on pourrait dire autrement, du film d'animation, c'est qu'on peut aller très très loin. Là, on ne peut pas aller en film de prise de vue réelle. Il y a des endroits où quand on veut s'exprimer, on arrive beaucoup plus avec le film d'animation. Ensuite, il y a les cartes blanches aussi. Alors c'est parti. Le festival donc a lieu du 9 au 13 septembre 2015. Théâtre de Ménilmontant. Je rappelle, c'est important, l'entrée est gratuite. Vous avez tout le programme sur crocanime.wix.com. Sinon vous tapez crocanime, c'est R-O-Q-A-N-I-M-E. Vous tombez directement sur le site et là vous allez avoir en PDF toute la programmation. On commence par la fin. Ouais, c'est comme ça. La fin le dimanche, hein. Et ouais, c'est un bonus. On a envie. Le 13, on commence le 13 avec deux cartes blanches. Une carte blanche spéciale jeunesse avec Cédric Babouche et une autre donc avec Isabelle Duval. C'est ton envie. On n'a pas les films. C'est la surprise. On fait confiance à Isabelle Duval de Double Maître Animation. Absolument. Et on découvre ses coups de cœur. C'est exactement ça. Alors, on rappelle que Isabelle Duval fait des films pour les enfants, vraiment pour la jeunesse. Et cette fois-ci, lors de sa carte blanche, il n'y aura pas que pour la jeunesse. Alors, c'est vrai que moi, je les connais, les films, mais je ne vais pas les dévoiler. Venez voir justement un petit peu sa sélection du cœur, ce qu'aime notamment Isabelle Duval. Il n'y a pas que pour les enfants. Le samedi, on peut pas tout faire, mais encore une fois, vous allez voir, le samedi, il était en séance d'ouverture. Il a pu dire que quelques mots, parce que lui aussi, c'est un grand bavard. Il viendra pour la soirée de clôture. C'est Bruno Bouchard et son fameux, maintenant, projet. On peut pas 24 passer à côté, mensonges hein. par seconde. Voilà, il viendra. Quelque chose de particulier pour cette soirée de clôture. On peut s'attendre. Il va montrer des images. Il va parler. Il a une nouvelle, un nouveau montage. Hein. D'accord. Voilà, avec aussi derrière une musique sur ce montage qui est faite par. Ça serait la surprise. Et ensuite, je pense que Bruno a un projet qui est quand même très important, qui est très agréable, qui est, on va dire, mondial, puisqu'il envoie des morceaux de pellicule un peu partout, et donc pour le grattage. Et je pense que c'est une idée qu'il faut mettre justement aussi à l'honneur. Et puis Bruno adore parler également. L'autre Sylvie, tu l'as fait ça? Le 24 mensonges par seconde. Non, je ne l'ai même pas fait. J'ai vu les pellicules qui volaient partout. On peut encore le faire, tu devrais. Oui. Oh, t'as un style en plus comme ça qui pourrait être pas mal. C'est interminable. Donc, Bruno Bouchard. Et ensuite, Johanna Lurie, Olivier Catrin, Alexandre Dubosc. Excuse-moi, mais ce soir-là, on verra quand même les films primés. C'est bon, c'est ce que c'est là où j'en viens, parce que regarde, je viens de dire les membres du jury. Regarde, hop. On revient, Johanna Lurie, Olivier Catrin, Alexandre Dubosc, et Tiziane de Carolis, Christine Webster et Yann Volsi, donneront ce soir-là le palmarès de Crocanime. Plus intéressant que le palmarès, ouais, je sais, je suis désolé, le palmarès c'est important pour les gens, mais moi ce qui m'intéresse plus, par exemple, c'est l'après-midi, la carte blanche à Dimitri Granovski qui va inviter une grande dame du monde de l'animation, Florence Miaille, dont Patrick a fait une interview cette semaine, donc, dans les locaux, ça s'est bien passé? Très bien, ouais. Donc c'était dans son atelier d'artiste, non, très bien. Pas trop embêté avec les travaux. Non, elle est arrivée, elle est faire arrêter. Non, mais en plus, ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'à la fin de l'interview, elle a été sous le banc de titre et elle a un peu travaillé. Donc, on a plus un peu filmé une petite séance de travail qui permettra d'illustrer l'interview. Bon, ça, c'est très intéressant. Évidemment, on va voir. Je vais demander s'il y avait des choses un peu nouvelles qu'on allait voir. Donc, peut-être qu'elle a dit peut-être. Elle est en train de travailler sur, je ne pense pas qu'elle puisse les montrer, mais sur un film de la collection. Le carambolage d'Arte, ça je ne sais pas si elle peut, mais en tout cas peut-être de son, on espère, long métrage. Quelques secondes. Surtout, voilà, donc ça va être vraiment intéressant. T'en sais plus que moi. Oui, elle a dit finalement oui, comme ça elle est sûre que vous allez venir. Que tu vas venir. Ça va être une belle carte blanche. Ouais, ouais, ouais. Je suis très contente que Dimitri ait accepté et de plus avoir invité Florence. Quoi. Donc Dimitri Granovski qui s'est lancé dans l'animation. Finalement, il n'y a pas si longtemps que ça et qui est devenu ce personnage comme ça, un peu touche-à-tout du monde de l'animation. Juste avant, très intéressant aussi, la carte blanche à Tamara Papé qui parlera de Julien Papé, son père qui était un personnage assez étonnant mais dont malheureusement on voit assez peu les films et ça va être vraiment passionnant. Ah oui, c'est passionnant parce qu'en plus on va expliquer quand même on va remonter sur Émile Kohl en même temps, donc c'est un sujet très important de comment on a fait le montage des films. Hein. Et je pense que Julien Papé a quand même une très belle place dans le monde de l'animation. Ouais. Et qu'on ne connaît pas assez d'ailleurs. Peu connu, on découvre au fur et à mesure, comme au fil des rencontres. Mais dommage. Isabelle Vanini l'avait invité il y a un bout de temps maintenant au Forum des Images pour parler. C'est vrai que c'est, voilà, ça fait partie de ces personnages qu'on découvre régulièrement dans mon ami, encore beaucoup, beaucoup de travail, hein, des gens à découvrir. Donc voilà, ça c'est absolument passionnant. Carte blanche à Florentine Grelier. Qui c'est Florentine Grelier ? Ah, j'adore Florentine. Florentine est une jeune réalisatrice qui se bat en tant que aussi femme. Hein, entre, je dis en passant qu'elle a quand même monté un site pour justement sur les femmes dans l'animation. Et donc, si on nous entend là, les femmes, allez sur son site parce que c'est important justement de savoir productrice, réalisatrice, que ce soit de la musique, que ce soit dans tous les domaines de l'animation. Donc, alors, Florentine, ben, c'est une belle rencontre également. Elle a également animer les ateliers à Crocanime, enfants, ados, adultes, hein, faut pas l'oublier. Et qui a un très beau parcours. Je sais que c'est un peu dur pour elle parce que bah, elle cherche également de l'argent, hein, pour ses films. Et c'était important pour moi de, qu'elle soit aussi à l'honneur de du festival. Et justement, cette réflexion sur la recherche de l'argent fait qu'elle a décidé de plutôt travailler sur les films autoproduits. Donc ça va être intéressant. Il y aura des films de Chloé Maslow, Marine Blin, Vivian Altman, Angèle Béraud, Cléo Biasini, Inès Géret, Lison de Rieder, je vous dis tout, Nico Dio, Patrice, Benoît Guillaume, Géraldine Alibe et Sylvie Denet, dont on va parler. Je retiens, vous inquiétez pas, on va parler avec Sylvie bien sûr, mais on va prendre un peu plus de temps aussi sur son travail. Voilà. Mais et en fait, je remercie Florentine puisque Florentine m'a dit, t'aurais pas des noms de gens qui s'autoproduisent. Je me suis rappelé du nom de Sylvie. Elle a découvert le cinéma de Sylvie. Elle a fait, oh, c'est super intéressant. Donc elle s'est remise à s'intéresser. Je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai pas non plus interviewé Sylvie. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée. J'attendais que Denis Valgenvitz, qui m'a dit qu'il voulait le faire, le fasse. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça. Donc merci à Florentine. C'est aussi pour ça que Sylvie est dans le studio aujourd'hui. Tu veux toujours aussi amener des gens qui sont à la fois dans l'animation mais qui ont un métier un petit peu, on va dire, pas qu'on connaît moins bien, parce qu'on connaît bien le métier de doubleur, de doubleuse ici, mais en tout cas, voilà, des personnages qu'on voit peut-être un peu moins, on en voit beaucoup dans les conventions sur l'animation japonaise, par exemple, mais assez peu moins, en tout cas, en festival, sauf pour... je sais qu'à Annecy, les deux stars qu'ont fait les Simpsons, évidemment, se sont retrouvés là-bas, mais en tout cas, on les voit quand même assez peu. Et là, c'est Brigitte Lecordier. Ils seront là d'ailleurs à la soirée d'ouverture. D'accord, hein. Que tu as voulu inviter, qui aura une carte blanche. Bigueux, et puis... Véronique Ajero, si je me plante pas dans la manière de prononcer. Oui, pourquoi Brigitte Lecordier, elle fait des voix de l'animation. Donc, quand on parle de film d'animation, on parle de tout. La réalisation, la production, la musique. Hein, chaque corps de métier a une place importante. Donc, on peut pas mettre de côté quand même les voix des personnages ou éventuellement des voix off. Et donc Brigitte, une voix quand même très connue. Donc elle va venir avec plein de choses. Ça c'est jeudi. J'étais pas terrible parce que je l'ai voulu faire à l'envers comme ça. Ça m'amusait. Donc dimanche, hein, je vous rappelle, dans des loups avec Cédric Babouche de 10h30 à midi. Ensuite à 15h30 et 17h carte blanche à Isabelle Duval. Donc pas qu'avec des choses pour enfants. Le samedi soir de 20h à 22h30 la soirée de clôture. Vous n'avez aucune raison de ne pas venir puisque le lendemain vous pouvez dormir. La carte blanche à Dimitri Granovski, c'est le samedi de 17h30 à 19h30. Florence Mien, encore une fois, si vous connaissez l'animation, vous savez qu'il faut y aller. Si vous ne connaissez pas l'animation, réservez votre samedi après-midi. Florence, c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Elle est déjà venue bien évidemment ici et elle parle en plus très bien de son cinéma. Et donc c'est assez passionnant de la voir. Et puis je suis persuadé que ça va être interviewé par Dimitri Granovski. Ça va être très très bien. La carte blanche à Tamara Papé, c'est le samedi de 15h à 17h. Pareil, allez-y parce que c'est bien de découvrir aussi des gens qu'on connaît un peu moins bien. Florentine Grelier sera le vendredi soir de 20h30 à 22h30. Pareil, je vous conseille d'aller pour découvrir des gens qu'on connaît assez peu. C'est vraiment bien qu'elle ait mis ça en place parce que c'est des films qu'on connaît peu et des noms qu'on connaît peu. Donc ça, c'est vraiment important. L'autoproduction va devenir quelque chose de fondamental dans l'animation si on veut continuer à faire du court-métrage. Il y a de plus en plus de monde toujours le même, quasiment le même enveloppe de subventions au CNC dans les régions. Donc à un moment donné, on va devoir aller de plus en plus vers l'autoproduction, en tout cas vers des plus petites productions, en tout cas avec moins d'argent, malheureusement. Brigitte Lecordier, donc pour découvrir quelque chose d'un peu... voilà, qu'on connaît peut-être, en tout cas, moi j'avoue, un peu moins, le côté même voix dans les séries, qui est toujours intéressante. Hein. Une de ces voix. Dit, mais, oui, Dragon Ball. Voilà, c'est une des plus connues. Et on finit par l'ouverture, ce qui est très égocentrique de ma part, parce que c'est moi qui fais l'ouverture. On pourrait croire que je finis juste pour finir avec moi. C'est pas du tout le cas. Je viens de me rendre compte à l'instant, alors que la séance d'ouverture, je me rends compte à quel point c'est égocentrique de terminer par moi. Le texte qu'il y a dans le... Dans le catalogue, dans le programme. Fait bien réfléchir sur l'angoisse que j'ai pu avoir en faisant cette soirée d'ouverture, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire dans une soirée d'ouverture, j'ai pas l'habitude, et on verra bien. Merci beaucoup donc à Sylvie, bien évidemment, de m'avoir proposé ça. Ça commencera à 20h le 9 septembre, mercredi. Ne soyez pas en retard. Surtout qu'on va commencer réellement à l'heure. Chaque programme va vraiment commencer à l'heure. Il est hors de question parce que je ferai. Normalement, j'ai un programme qui déjà fait 4h25. Donc, je suis obligé de réduire pour essayer de tenir dans les 2h30. Donc, il est hors de question qu'on commence. Donc, vous louperez des choses. Je me permets de présenter rapidement. Si tu le permets, Sylvie, cette soirée, j'aurai autour de moi au moins 5 personnes. Je vous avoue, j'en voulais une sixième, mais qui a commencé à travailler, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Tant que tu cherches, je vais rajouter quelque chose. Vas-y. Ce qui est important pour ce festival également, c'est qu'il y a un échange avec le public. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si même Alexis va être avec ses réalisatrices sur scène, il peut y avoir peut-être quand même des questions au public, hein, qui voudra poser des questions. Et pendant chaque séance, on espère que des réalisateurs seront également présents pour avoir un échange avec le public. Ça, c'est très très important. C'est justement se rapprocher du public et connaître et pourquoi vous avez fait ça. Je sais pas. Toute question est importante. Donc c'est voilà. Alors 5 personnes sur scène, évidemment les mauvaises langues telles Olivier Catrin, bien évidemment a dit que j'avais invité que des réalisatrices et que des femmes. C'était pas mon intention à la base, même si je suis ravi évidemment d'être en si bonne compagnie sur scène. Je voulais inviter, je le redis là, je sais pas s'il écoutera l'émission, mais il a commencé, qui est Bastien Dupriez, qui a fait un film qui s'appelle Sion 672, que j'aime beaucoup, qui est en compétition aussi. Voulais l'inviter. Bastien a commencé un travail, dans une grosse boîte chaque à Lille, et c'est pas s'il pourra faire l'aller-retour dans la journée pour venir. J'aurais adoré qu'il puisse être là. 5 réalisatrices, je me suis posé la question après la brochette de stars que Didier Brunner avait invité l'année dernière. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit qu'après tout, ce qui m'avait redonné beaucoup d'envie dans le cinéma, c'était dans le cinéma d'animation, c'était aussi de devenir prof. Et donc je me suis dit, mais bien, ça c'est une super idée, je vais inviter donc des étudiants, même pour comprendre aussi pourquoi on devient étudiant en animation. Est-ce qu'on espère par la suite, on commencera par Ornella Macchia et Justine Wilstecker. Alors vous allez voir beaucoup, on fait les SAT, qui est l'école où j'ai commencé à être prof. Justine Wilstecker, elle a fait les SAT et elle a fait en sortant de l'école, on verra peut-être son film de fin d'études, Fish Don't Need Sex, mais on verra surtout Paris, qui est en sortant de l'école de la collection Robert Desnos. Ornella Macchia, on verra quasiment en avant-première, je l'ai montré dans mes rencontres à Annecy, mais il a été peu vu en dehors de ça, un film qu'elle a fait papier d'Arménie sur l'Arménie, puisqu'elle est partie là-bas. C'est ça, elle est d'origine arménienne et elle a fait un film à la Cambre. Donc on a quelqu'un, Justine, qui a fait 2 ans et Ornella qui a fait, elle, 7 ans, même plus d'études. Ouais, 7 ans d'études. Donc on va voir les différents parcours. J'ai voulu aussi, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée d'ouverture? On parle beaucoup, on regarde que des films. J'ai voulu mélanger les deux, donc on commencera par regarder des films. Peut-être que Didier est là. On regardera des films. Ensuite, on enchaînera sur parler avec les deux jeunes réalisatrices. Ensuite, on regardera de nouveau des films. Ensuite, on enchaînera avec Marine Blin, Marie Vieille-Vie et Florentine Grelier pour parler quand on sort de l'école, qu'est-ce qu'on fait. Une a été, si je dis pas de bêtises, assistante metteur en scène sur Tout en haut du monde, très beau long métrage français. Ensuite, Marine Blin qui est maintenant au studio Train Train et Florentine Grelier qu'on vient de présenter. Didier vient d'arriver. Merci beaucoup Didier. Il s'assoit. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'être festif aussi. J'espère même que mon frère, je vous bassine avec lui tout le temps, viendra nous faire un peu de musique sur scène. Voilà, en tout cas ça sera une soirée, on finira par des films, j'espère la plus festive possible. Bah voilà. Merci beaucoup. Une soirée encore pleine de promesses. On espère. En tout cas, ça sera, en tout cas, on va s'amuser. Ça sera le plus important aussi. Voilà, c'est tout le programme. On aurait pu encore en parler beaucoup plus longuement. Je vais juste faire dire quelque chose. Voilà, tu n'auras que des réalisatrices. Mais tu vois, dès qu'il n'y a que des filles, eh bien, tout de suite, il y a une petite réflexion. Hein, Olivier, il a dit. Non, Olivier est jaloux, c'est pour ça. Il est jaloux, ben oui. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il sait que j'ai plein de jeunes filles autour de moi et donc il est jaloux. C'est purement de la jalousie de la part d'Olivier Catrin. Il y a sûrement d'autres qui sont jaloux. C'est pas possible autrement, il est comme ça, Olivier, on sait bien. Non, c'est juste que voilà. Mais on l'aime, Olivier. C'est juste que les étudiantes sont très importantes dans le monde de l'animation. C'est une grande question qu'on se pose à chaque fois. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles deviennent par la suite? Souvent, elles ne sont plus réalisatrices. C'est un grand, grand débat. On va laisser Didier se poser avant de lui parler et de parler évidemment à Sylvie Denet. On parlera encore, puisque tous ses invités aussi ont une histoire avec Croc'Anime, donc on reviendra à chaque fois à Croc'Anime. On va écouter, on va faire une petite pause musicale. Comprends qui peut, c'est une chanson de Bobby Lapointe. On va pas du tout écouter Bobby Lapointe, mais c'est bientôt la rentrée pour moi. Et oui, malgré tout. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Muffin Man de Frank Zappa. La plupart d'entre vous pouvez pas comprendre pourquoi je dis c'est bientôt la rentrée, mais certains comprendront. J'aime bien faire des petits messages comme ça à l'antenne. C'est mon émission après tout, hein. C'est comme ça. Donc Frank Zappa, Muffin Man, un peu de rock and roll, et après on revient pour parler de Didier Brunner, Sylvie Denet, Croc'Anime et le monde de l'image par l'image. À tout de suite. We'll be right back. Adrian, Tommy, Terry, Peter, Ed, good night. Voilà, je vous passe. Après, il y a une minute d'applaudissements. L'immense, bien sûr, Frank Zappa et le morceau Muffin Man, incroyable morceau. On revient donc avec nos invités. On parle de Croc Anime du 9 au 13 septembre 2015 au théâtre de Ménilmontant. Toutes les séances, encore une fois, sont en entrée gratuite. Foncez-y, allez-y. Enfin voilà, n'hésitez pas. Vous découvrirez à l'intérieur de ça 3 films de Sylvie Denet. Je voulais déjà présenter en début Sylvie Denet sur son blog. Il y a depuis 1985 activités diverses, peinture, déco, accessoires, sculpture, scénographie pour le cinéma, théâtre, exposition. C'est avant tout ça d'abord, avant de découvrir le monde de l'animation. Oui, c'est en premier. Et c'est toujours d'ailleurs la peinture, le dessin, et petit à petit vient l'animation. Les études donc sont plutôt dans cette branche-là ou pas du tout, même pas? Des études, si, dans une école d'art appliqué. En tant qu'architecte d'intérieur. Mais je n'ai jamais été architecte d'intérieur. Pourquoi cette envie de passer à l'animation à un moment donné? Ça se fait petit à petit. Ce n'est pas d'un coup, wow, je fais de l'animation. Déjà par l'intérêt du cinéma, par aussi la fascination de l'image animée, parce que c'est quand même magique de voir de l'image qui bouge et du dessin qui bouge. Et petit à petit, je fais des petits essais, je fais des films en Super 8, et après, quand je passe au numérique, je peux les montrer. Et voilà. Alors, vous regardez Sylvie Denet, D-E-N-E-T, vous avez à la fois une chaîne YouTube, où il y a un peu plus de choses anciennes, et une chaîne Vimeo, maintenant, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal d'expos, alors on revient très rapidement avant de revenir à l'animation, il y a pas mal d'expos en Chine. Oui, parce que j'ai fait une résidence en Chine, à Canton, Et ça a entraîné la rencontre avec une galerie à Shanghai. Et la résidence de Canton a emmené mon premier film que j'ai montré au festival Où vas-tu ? C'est avec un petit cycliste qui se promène, enfin, qu'on suit dans un travelling. C'est en fait le résultat de cette résidence en Chine. Est-ce qu'il y avait la connaissance de cinéastes d'animation déjà, ou à part évidemment l'animation qu'on connaît, mais déjà de courts-métrages, quelques auteurs que tu connaissais déjà ou... J'en connaissais pas beaucoup. Je connaissais la Guillonni, Florence Amiel, que je suis depuis le début, qui me fascine, mais pas vraiment. Maintenant, avec Internet, effectivement, je commence à regarder beaucoup de choses et à découvrir beaucoup de choses sans retenir tout le temps les noms. Mais voilà, je vois beaucoup de choses maintenant. Je pense à un réalisateur qui est complètement différent de ton cinéma, mais quand même, qui part notamment, qui a beaucoup d'attrait avec la Chine, qui est Georges Schwitzgebel, cinéaste suisse, je ne sais pas si tu connais, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la transformation. Et c'est quand même l'une des bases de ton cinéma. Souvent, pas de cut. On est dans un mouvement continu et on se transforme et toutes les choses se transforment. Ça, c'est vraiment important. Oui, on avance en fait. Pratiquement dans tous les films, c'est quelque chose qui avance et on avance avec le film. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de coupes ni de plans différents. Et en général, je commence un film avec le premier dessin et je le finis avec le dernier. Il n'y a pas de montage, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéma qui part avant tout de l'observation ? De ce qui se passe autour de toi, ce qui passe par la tête. Parce que là, on verra notamment au festival Train 2 Bleu, par exemple. Mmh. Dans un train, on voit le paysage défiler. Mmh. Puis on a des... Alors, c'est très étonnant. On se laisse transporter. Mais c'est pas forcément des voyages, je trouve, simples et faciles, parce qu'on se dit on se laisse transporter. On a l'impression qu'il y a sous-entendu dans ce cinéma plein de choses qui se passent, mais qu'on raconte, que tu racontes avec quelques images et pas forcément avec une volonté de narration. Est-ce que je me trompe? Oui, en fait, moi-même, je me laisse guider par l'image. Au départ, je n'ai pas de scénario, donc je ne sais pas ce que je vais vraiment raconter au départ. Donc moi-même, je suis entraînée par l'image et je suis l'image. Donc à la fin, ça fait un film qu'on suit sans vraiment de narration. Mais chacun se raconte un peu ce qu'il veut et se laisse entraîner ou pas par le film. Parce qu'il y a des images qui peuvent être... pas forcément dur, mais en tout cas quand même assez explicite. Je sais pas ce que le mot pourrait vous dire réellement, mais on a des images assez fortes, je trouve. Des gens qui courent tout le temps, il y a beaucoup de gens qui courent, qui sautent, qui peuvent s'enfuir ou qui... ça bouge, ouais. Ça bouge, c'est assez rapide en général. Ouais. Oui, mais je ne sais pas si c'est, si c'est dur, je ne sais pas. Dur, je reviens sur cette idée d'angoisse, cette idée de... J'ai l'impression que, voilà, toujours, il y a des thématiques, il y a des angoisses, des plaisirs aussi. Hein, là, oui, je veux oui. dire que c'est dur, pas forcément, il y a aussi des choses, mais j'ai ressenti ça très, très fortement dans ce flux comme ça d'images. Oui, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... On se noie des fois aussi. De l'air dur. Mais je sais pas où il y a le vent souvent. Il y a ce qui peut emmener du mouvement, voilà. Ce qui peut emmener du mouvement, le train, c'est un travelling, le vélo, le vent, tout ce qui emmène du mouvement, ben, je le prends. Est-ce que finalement c'est important l'idée de se dire d'être en autoproduction pour justement pouvoir faire des films comme tu les fais et pas avoir la lourdeur des fois d'un dossier CNC ou d'un dossier pour une région, etc. Et là, d'un seul coup, de se dire, je commence un film et puis on verra bien quand il se terminera. Bah ça, c'est comme ça que je travaille et j'ai essayé de remplir des dossiers, mais bon, voilà, j'y arrive pas. Ça marche pas parce que j'y arrive pas. Parce que dès le départ, ça me met une norme, des barrières, un récit, quelque chose. Il faut que je dise d'abord ce que je vais faire et j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Pourtant, il y a des choses comme Bobine où on est dans, par exemple, là, le plaisir du cinéma. En tout cas, ouais, un jeu sur le cinéma. Mais ça, c'est un film de commande. On m'a demandé un film, donc on m'a laissé carte blanche. Mais c'était pour un spectacle du Centre dramatique de la Courneuve qui faisait un hommage à leur salle de spectacle qui est un cinéma. À la fin de leur spectacle, ils voulaient entraîner les spectateurs à regarder un film. Et ils ont eu la bonne idée de me demander un film. Donc là, voilà, j'ai fait un film. Et là, tu pars sans scénario aussi, sans rien. Non. D'accord, parce qu'il y a quand même une... Oui, parce que je l'ai pensé. Un voilà, c'est ça quand pensé, même. Oui. Je l'ai pensé et les quatre personnages étaient dans leur spectacle. Donc il y a des relations avec leur spectacle. Donc je l'ai pensé avant, mais bon, je l'ai fait comme les autres... un dessin après l'autre. Et ça commence par du noir, parce qu'au début, j'avais le trac. Donc, j'ai crayonné beaucoup de noir. Et après, il commence le dessin. Il y a un plaisir dans Bobine aussi de jouer avec l'écran. Ce qui est l'écran, ouais. Ce qui est derrière l'écran. Mmh. Et, qu'on soulève. De jouer là-dessus, qu'on soulève. Ouais. Voilà. Bah, tout ce qui est tourné autour du cinéma. La projection, l'écran, la machinerie. Et puis, notre mémoire de cinéma avec les petits bouts de films, les westerns qui apparaissent. Voilà. Toutes nos mémoires. Comment tu travailles le son, qui est fondamental dans ton cinéma? Alors, je le bricole. Ouais. C'est vraiment du bricolo. C'est ça que moi, j'aimerais bien travailler plus avec un professionnel, parce que, voilà, c'est vraiment des sons, soit que je prends avec ma caméra et que j'introduis dans les films, soit des sons qu'on trouve dans les banques de sons sur Internet. Mais je fais du bruitage. Mais voilà, c'est vraiment bricolé. Je trouve très bien. Moi, je trouve ça très agréable. Le son qu'il y a, bon, je pense notamment à Train de Bleu. Bon, déjà que je trouve super ce film, parce qu'on rentre dedans. Pour moi, c'est un film de vie. J'ai l'impression de. Quand tu t'as dit tout à l'heure, Alexis, on est transporté, oui, on est dans le film. Parce qu'on, beaucoup de scènes qu'on a déjà vécues, on est dans un train, je pense que beaucoup de gens ont pris quand même le train. Et le son, je trouvais vraiment agréable, parce que c'est. C'est ça, quand on est dans le train, qu'on est dans nos pensées, ça représente ce bruitage. Il y a cette idée d'instant aussi, donc le bruitage peut refléter ça, l'idée d'instant dans ton cinéma. On a l'impression de vivre plein de petits instants comme ça de ta vie, de nos vies, enfin voilà, des petites choses. Et donc ça, comment tu es travaillé? Est-ce que ça t'arrive d'être dehors et te dire, ah bah tiens, ce son-là m'intéresse, ou des choses comme ça, ou non, pas du tout? Non, je fais d'abord toutes les images. Et après, vraiment, le son, je le fais très rapidement. C'est pour ça que je dis que je bricole. Les images demandent beaucoup de temps. Une fois que le film est fait, je mets des sons dessus. Je vois qu'est-ce qui se passe. Et si je retire, je remets. Mais c'est pas très, très recherché à l'avance. Mais est-ce que c'est pas important d'avoir un son comme ça, quand on fait un cinéma qui est assez brut, d'avoir aussi un son brut, et que finalement, peut-être de travailler trop le son pourrait... Peut-être, mais je me dis quelqu'un qui sait travailler le son, parce que moi je ne sais pas vraiment le travailler, qui sait travailler le son, peut-être pourrait m'amener à autre chose, peut-être à raconter peut-être un peu plus de choses que ce qu'il raconte. L'idée de la métamorphose, qui est un peu la base de l'animation, on parlait d'Emile Cole tout à l'heure, et qui vient notamment d'Emile Cole, c'est quelque chose que qui est très étonnant, puisque toi, tu as un jeu, la métamorphose. Alors, je n'ai pas absolument cité des noms, mais il me fait penser à l'histoire italienne qui s'appelle Simone Massi, hein, voilà, qui joue vraiment là-dessus aussi. C'est-à-dire, on n'est pas dans une fantasmagorie. La métamorphose sert à passer d'un instant à un autre. Oui, bah, ça permet de ne pas couper. C'est vrai que bon, c'est une suite, quoi. C'est un avancement, cette métamorphose. C'est pas, on est en plan fixe et on se transforme en un autre objet. C'est vraiment, on avance et il y a cette transformation parce qu'on avance. Au niveau technique, on a un peu de peinture animée, mais c'est pas la chose forcément. C'est ce qui devient sous, il y a du bah, beat, ça, non y a... bah, ça dépend le film que je fais en fait. Ça dépend. Et je fais du trait, donc c'est vraiment de papier les uns sur les autres, des calques quoi. Où vas-tu ? Ça a été différent, parce que c'est des peintures que j'ai scannées, des peintures que j'avais faites, que j'ai scannées. Et dans ces peintures, avec tous les outils de Photoshop, j'ai animé les petites choses. Mais ça vient pas différent. De photos. Il n'y a pas des photos à la base d'où vas-tu ? Si, parce que c'est encore plus compliqué que ça. Pour c'est que quand j'étais en Chine, j'ai fait beaucoup de vidéos. De ces vidéos, j'ai tiré des photos. J'ai peint sur ces photos et après je fais l'animation. Donc voilà, on retrouve des morceaux de photos et j'ai introduit des petits morceaux de vidéos dans ce film-là. Il y a un plaisir de la matière. Ah bah oui, ouais. Oui. Ouais. Ça c'est dans Train de bleu, il y a beaucoup de peinture en fait que je peins, je scanne et je repeins dessus. C'est de la peinture qui bouge vraiment. Est-ce que j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais est-ce que plus on a une connaissance du médium dans lequel on est, ce qui marque, et je pense qu'a marqué beaucoup de gens en découvrant ton cinéma, il y a une liberté qui est quasiment totale. On cherche un mouvement, on cherche pas le mouvement réaliste ou le mouvement, on cherche un mouvement presque dans chaque film, en tout cas où il y a un mouvement. Est-ce que quand on commence à connaître, on va en festival, on parle avec d'autres personnes, on veut aller vers un autre cinéma, on veut... C'est encore cinéma, trop tôt là, parce que là je commence à voilà depuis Meknès en fait à rencontrer le monde de l'animation, donc je sais pas encore, mais c'est sûr que le retour de Meknès ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit tiens qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr qu'on se pose des questions. Pour l'instant ça touche pas trop mon travail, mais c'est vrai qu'on se pose des questions. C'est important cette ouverture au festival. Il y a trois films qui sont montrés à Cork Anime. C'est essentiel. Sinon, c'est sûr que j'ai fait des films avant de les montrer. Et il y en a qui sont en Super 8 qu'on ne verra pas parce qu'ils sont en Super 8. Mais maintenant, de les montrer, pour moi, c'est essentiel. D'avoir un retour de public, c'est essentiel. C'est ce qu'on cherche, Sylvie, c'est ce qu'on cherche. Chez les réalisateurs. Et sinon, on continue à faire dans son coin des films. Je ne sais pas si je passerai autant de temps maintenant à les faire. Pour les montrer. Oui, c'est ça qui est compliqué. Mais ce qui est bien aussi, Internet permet finalement oui, après, de les montrer. Il faut être relayé, c'est ça. Il n'y a pas le retour du public. La problématique. Il peut y en avoir. Des commentaires. Des commentaires. Non, mais je pense que les deux, aujourd'hui, dans l'animation... J'aurai la chance de vous retrouver la semaine prochaine dans l'émission de Francis Gavel, puisqu'on va parler, Francis retravaille, enfin, il travaille des critiques, hein, on va parler de Misokusai, et je parlerai justement de ma petite chronique qu'il a demandé à chacun d'entre nous de faire une chronique, sera sur l'avenir justement du court-métrage. C'est quoi l'avenir du court-métrage d'animation? Et je pense qu'Internet aussi permet finalement de découvrir, et quand Florentine m'a dit, bah tiens, tu connais pas, j'ai pu envoyer le lien sur le Vimeo, et finalement découvrir ça. Est-ce que... on a envie, une fois qu'on a fait la production, quand même d'être produit, d'aller voir les producteurs et de se dire, bon, moi, je ne sais pas faire de dossier, mais occupez-vous de mes dossiers, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ma tête et puis je vous laisse faire. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de confort. Parce que c'est Sylvie, tu en as deux devant toi. Je te présente Didier Brunet et Patrick Hernandez. Justement, là, je reprends quand tu disais que du coup, tu ne savais pas faire un dossier ou que tu n'avais pas envie, mais c'est effectivement le travail du producteur de t'accompagner et de faire ses dossiers. Ben, entre autres. J'en ai fait. Hein. Comme ça n'a pas marché. Mais c'est pas à toi de les faire. C'est voilà. Mais oui, sûrement. En fait, j'aimerais bien un peu plus de confort, c'est sûr. Parce que tout faire, rien que de regarder tous les festivals qui existent, de les envoyer, de gérer, les envois, de pas envoyer deux fois le même film. Mais là, t'as aussi des personnes qui s'occupent de ça. Je pense à Michael Bach. Et puis, il y a aussi Luce Grosjean. Luce Grosjean, qui a créé aussi ces deux... voilà. Qui en effet peuvent être intéressants pour pas prendre trop de temps par rapport à ça. Découvrez le cinéma de Sylvie. Encore une fois, comme je dis, je pense que ça fait partie de ces cinémas. Moi, c'est drôle, j'ai senti en effet beaucoup de choses qui d'un seul coup relient encore une fois à ce que nous on a pu vivre. Et ce qui est très étonnant, c'est en effet de pas avoir encore une fois d'avoir une narration par l'image et par ses faits. D'ailleurs, c'est drôle parce que sur YouTube ou Vimeo, tu mettais des petites scènes que tu as pu créer comme ça et puis tu as fait un film instant qui correspond bien. Il y a deux films que moi j'aime bien qui sont instant, notamment et pas à pas, qui sont presque des journaux d'instant. Enfin, voilà, ils sont liés, oui. Qui sont. Des nouvelles. Encore une fois, pour ma dernière question, comment ça se crée ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu animes et finalement que tu ne mets pas dans le film à la fin, parce que tu dis ça ne correspond pas? Pour Papa, oui, parce que Papa s'est fait en plusieurs fois. J'ai appelé journal parce que ça commençait par un film que j'ai fait, après un autre qui était. C'est tout était lié par une histoire un peu personnelle, et donc je l'ai fait en journal. Mais celui-là, effectivement, j'ai retiré beaucoup de choses, j'ai remis, j'ai beaucoup travaillé. Pour d'autres, non. C'est pour l'instant, voilà, c'est des petites bouts d'histoire que j'envoie justement à mes amis par mail ou sur Vimeo, voilà, pour dire coucou, comment ça va. Et après, je les ai mis ensemble. Ça, c'est des petits bouts que j'aime bien faire parce que c'est là où je m'applique à l'animation. Je me dis, si l'animation n'est pas bien faite, ça marche pas parce que c'est tellement court. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Est-ce que tu auras la possibilité d'être à la soirée Florentine? Profitez-en. Moi, je serai à toutes les soirées, à tous les jours. Moi, je veux voir les autres films aussi. Donc, profitez-en pour aller rencontrer absolument Sylvie, lui poser. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent à ce micro. On a, et on va en parler avec Didier Brunner, on a évidemment besoin des grosses locomotives et on a besoin de cette diversité dans l'animation. On a besoin de gens qui viennent, comme Benjamin Reiner de La Poudrière, Grande École, et des gens qui découvrent l'animation comme ça et qui griffonne dans le bon sens du terme, évidemment, c'est positif quand je dis griffonner, et qui font amener l'animation dans une diversité qui nous manque encore et qu'on essaye d'avoir de plus en plus. Donc voilà, trois de ces films. Et je tiens à préciser que c'est un peu une, comme je l'ai dit, une surprise. Enfin, quand j'ai invité Sylvie Denet, on ne savait pas qu'il y avait deux films en compétition à Croc Anime. C'était juste par rapport à ce petit rappel. On va faire une petite pause avant de parler de Didier Brunner et de son actualité. Allez, on va crooner un tout petit peu. Ça va bien si vous connaissez Didier Brunner. Je trouve qu'il a un petit peu ce côté crooner comme ça, normalement avec son chapeau, et ses lunettes noires, etc. Voilà, il n'a pas pris son chapeau aujourd'hui. On va écouter un crooner un peu particulier quand même. La chanson s'appelle Once Upon a Time. Il était une fois, superbe début de chanson. Et le chanteur, je vous le laisse écouter. C'est évidemment juste le morceau d'après. Puis on va voir si vous arrivez à deviner qui c'est qui chante. Once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a time, we sat beneath a willow tree, counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. How the breeze ruffled through her hair. How we always laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did it go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow, once upon a time, never comes again. Et voilà, Bulle de rêve, l'émission bien sûr 100% image par image. Je laisse avant, non, que je ne l'ai pas dit, on continuera évidemment Bulle de rêve tant qu'une autre émission de radio ailleurs sur soi-disant des chaînes qui voilà, sont, allez, les chaînes d'État ou ce genre de choses, ne parleront finalement que toujours très très peu de ce cinéma-là un jour. Je ne sais pas si on y arrive vraiment. En tout cas, voilà, on est content de pouvoir avoir ces deux heures. Encore un grand merci à Radio Libertaire qui permet d'avoir ces deux heures-là. Je ne sais pas si quelqu'un de l'autre côté, parce que ce sont ici, ils ont tous parlé, donc ils n'ont pas reconnu évidemment le chanteur, et c'est normal, on parle. Non, personne de l'autre côté, je vous entends pas bien. Kevin Spacey, voilà le l'acteur évidemment génial, Kevin Spacey de Usual Suspects, House of Cards. C'est lui qui chante dans un film où, ça y est, bien sûr, j'ai complètement oublié le nom du film, Beyond the Sea, qui rend hommage à ce chanteur incroyable qui avait repris donc la mère de Charles Trenet, Beyond the Sea. Et voilà, je suis collé absolument en direct. C'est une honte. Quand... Internet au secours. Oui, voilà, mais oh, tant pis, ça va me revenir. J'essaie de. Sylvie, quand je t'ai dit, tiens, on pourrait inviter des gens, comme je l'ai dit en introduction, tu m'as dit de suite Didier Brunner. Oui. Ça a été une belle rencontre que cette soirée d'ouverture aussi l'année dernière. Ah oui, c'est déjà quand je suis allée aux Armateurs, parce que j'ai été rencontrer Didier aux Armateurs et que j'ai expliqué voilà ce que je souhaitais, j'ai eu... Alors, il ne m'a pas donné la réponse immédiatement, hein, il ne m'a pas dit oui tout de suite, mais pour moi, quand j'ai commencé à... Il m'a posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit, ben, ce que vous voulez, c'est une carte blanche, donc pour moi c'est important, faites ce que vous voulez. Et j'ai vu à ce moment-là un regard qui était en train de dire, oh mais j'ai invité un tel, parce qu'il a quand même dit, ben, je pourrais inviter un tel. Il ne m'a pas donné de réponse. Et j'ai trouvé déjà, tout de suite, c'était oui, et une confiance. Et avec, alors moi, je connais vraiment le côté de la douceur de Didier, puisque je n'ai pas travaillé avec lui. En direct. Non, mais c'est Didier, pour ça que je dis ça. C'était super intéressant, parce que j'en reparlais avec Delphine Maury, donc récemment, ouais, pour en sortant de l'école, et tu avais bien dit aux gens qui venaient sur scène, ne parlez pas que des bons côtés, enfin, que du fait qu'on ait réussi finalement à faire les films, ou voilà. Ouais. Parlez aussi des fois des rencontres. Des rencontres, voilà, qui peuvent évidemment tout amener entre un producteur et un réalisateur. C'est important pour toi? Entre un producteur et un réalisateur, c'est jamais la relation idéale. Il y a toujours, des confrontations, des discussions, des conflits, voire. Micro. Pardon, je te demande juste d'avancer le micro. Ouais. Légèrement, voilà, pour Didier. Je vais ajuster le micro. Ouais. Oui, donc bien sûr que c'est une relation un peu de l'ordre du je t'aime moi non plus entre les auteurs, les réalisateurs et le producteur. Ce qui a permis de faire ces films. Qui fait les dossiers, ouais, et qui, comme dit Michel Oslo, un bon producteur c'est celui qui trouve de l'argent et le reste je m'en occupe. C'était une belle soirée, cette soirée de Croc-Anime, c'est important. Ah, c'était une soirée, ouais, magnifique, d'autant plus que c'était une soirée un peu émouvante pour moi, puisque c'était mon départ des Armateurs. J'avais décidé quelques années avant de prendre ma retraite, de me retirer un peu et de vendre les armateurs. Donc j'avais cette boule au ventre de quitter cette société que j'ai créée il y a 20 ans. Et c'était une très belle soirée parce que je me suis vraiment lâché sur la carte blanche. J'ai pu faire passer des messages auprès de certains de mes auteurs, leur dire à quel point, même si ça avait été difficile et compliqué, j'étais heureux et fier de les avoir produits. Donc ça, c'est, enfin, parce que je regrette rien, quoi. Je veux dire, tout ce que j'ai produit, je trouve que ça fait pas, même les choses que j'ai fait pour la télé, qui sont quelquefois vraiment de la série, de la hard série, on va dire, ou de la série tout à fait calibrée, je reste toujours très accro, très, très, très en amour avec ce que je fais, quoi. Est-ce que, Quand, comme toi, on va partout, hein, de Los Angeles, on en reparlera un tout petit peu après, à Annecy, bien évidemment, d'avoir un festival, et Sylvie m'en voudra pas de dire que c'est un festival qui est un tout petit peu plus petit que les Oscars, par exemple, l'Annie Awards ou Annecy. Est-ce que c'est important presque d'avoir plus de temps, parce que ça t'a permis d'aller voir. Non, mais c'est bien les petits festivals, et, parce qu'il y a une convivialité, il y a une proximité entre les gens qui viennent et ceux qui présentent des films ou qui se donnent en show pendant le festival. Moi, je trouve que c'est évidemment des petits festivals comme ça, il faut les préserver. En plus, ça fait vivre des quartiers, des villages, des régions, des petits, des micro-régions, et il faut continuer ça, quoi. Alors, l'animation est bien appropriée à ce genre de, parce que les aficionados de l'animation sont des gens qui sont extrêmement curieux, qui n'économisent pas leur temps, qui sont prêts à traverser la France pour aller voir un festival de court métrage à Roanne, à Rennes, là, à Bru, à évidemment Croquenim, voilà, quoi. Alors, comme je disais, hein, l'année dernière, Meknès, qui est quand même notre festival, celui qui nous tient le plus à cœur. Favori, tout à fait, je suis complètement d'accord. Comme ça, si Béhoud nous écoute, on lui fait un petit coucou. Ouais. Salut Béhoud. Voilà. Alors, comme je disais, j'ai le lourd honneur de succéder sur cette scène. L'année dernière, c'était juste énorme quand même. Michel Oslo, Franck Dion, Benjamin Reiner, la nouvelle génération de producteurs que tu voulais aussi amener sur le devant de la scène. Ron Dien, tu parlais tout à l'heure du film Tout en haut du monde. Ben voilà, les gens, Ron Dien, Henri Magalon, un tas de gens qui sont des confrères, quoi, pas des compétiteurs. Donc on va parvenir sur la superbe carrière évidemment Didier Brunner. On en a déjà parlé ici quand on était venu pour Anastasia Célestine. Je vous conseille de réécouter l'émission. Ceux qui connaissent vraiment pas, juste pour aller vous redire, est-ce qu'on a besoin d'aller au-delà de Kirikou, les Triblés de Belleville? Bien évidemment on a besoin, mais déjà ça vous donne évidemment l'ampleur de ce qu'a fait Didier. Mais évidemment on peut parler de Tom Moore. On peut aussi parler de Tom Moore, qui est largement aussi admirable que moi je considère comme un des talents les plus importants du cinéma d'animation aujourd'hui en Europe. Tom, un monsieur qu'on connaît moins, Yannick Astrup, un réalisateur danois avec qui on a fait un très joli film qui s'appelle L'enfant qui voulait être un ours. Mais même des films qui ont moins marché, Aller raconte par exemple, un très joli film, très drôle, qui a été mal servi par la distribution. Ça, oui, c'est nous aussi, on a des soucis pour montrer, pour donner de la visibilité, parce qu'il suffit pas de faire des films, même quand on les fait très officiellement et très professionnellement, il faut leur donner un minimum de visibilité, parce que un film, c'est fait vraiment d'abord pour se partager avec le public. Et on pourrait essayer d'organiser peut-être un jour, je sais pas encore comment, mais je rebondis là à ça, des films qui ont été mal vus ou pas encore vraiment connus, d'essayer de réunir peut-être dans une salle, je sais pas où. La carte blanche de Florentine est un peu ça, justement. Par exemple, le film de Marine Blin, qui sera en ouverture aussi sur scène de La Poudrière. Quand votre film ne marche pas, on va dire La Poudrière, il y en a 10, 8, 10, et des fois, il y en a un ou deux qui marchent par an. Ouais. Et les six autres, comme ils ne sont pas sur Internet, sont rarement vus. Bah, il y a des films, il y a beaucoup de films qui ont connu ce destin tragique. Entre autres, Peur du Noir aussi. Tout à fait. Alors, juste quand même pour parler d'aujourd'hui, l'année dernière, on était tous dans cette salle. C'était un moment donné émouvant. Didier Brunner partait à la retraite. Voilà, tout le monde lui rendait hommage. Bien évidemment, c'était sans connaître le personnage qui n'est aujourd'hui plus du tout à la retraite, qui a créé une nouvelle société qui s'appelle Folivari. Ouais. Où je pense que, puisqu'on dit line-up maintenant en anglais. Line-up. Voilà, line-up. Merci, on va dire ça. Et assez impressionnant. Tu ne peux pas rester deux secondes tranquille. Il fallait d'un seul coup recréer quelque chose pour avoir. Il m'a fallu 4 mois d'oisiveté pour me rendre compte que j'avais envie de continuer, en particulier avec Benjamin. Ouais. Et puis d'autres. Là, je commence à travailler avec un jeune réal qui s'appelle Rémi Chapman, ouais. Qui est aussi quelqu'un qui sort de la poudrière. On a un projet, l'adaptation d'un manga de Taniguchi, Le Sommet des Dieux, avec Jean-Charles Storero. Là, c'est un peu un projet de producteur, mais on est en train de constituer une équipe d'artistes qui va être, qui sont des gens qui sont à la dimension du projet. Ouais, c'est difficile d'adapter. Je te coupe, mais Taniguchi en animation, c'est pas évident. C'est particulièrement difficile, ouais. Surtout ce manga là qui fait 5 tomes. Il y a un premier problème qui est le scénario, et puis le deuxième problème c'est le graphisme de Taniguchi. C'est un peu comme ce qu'on a eu avec Gabriel Vincent quand il a été question de l'adapter. On veut pas le perdre, et évidemment on est obligé de l'adapter, donc on est actuellement en train de faire tout un tas de recherches, et entre autres avec un garçon avec qui j'avais déjà travaillé, mais en tant que chef animateur, qui est Patrick Imbert, qui était le chef animateur d'Ernest et Célestine, et qui fait toutes les recherches graphiques là sur les personnages. Et c'est il a un coup de crayon, il a vraiment du génie dans la mine de plomb, quoi. C'est vraiment ça, c'est le bonheur, tu le disais, mais c'est vraiment le bonheur de ces rencontres, de voir quelqu'un et de se dire là il faut pas que je le lâche, parce que il y a un talent qui est tellement important qu'il faut que je trouve un projet ou pour bosser dessus, enfin voilà, c'est... C'est vraiment le bonheur de travailler avec des jeunes artistes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais à qui on a envie de donner les moyens de faire leur projet, leur film. Alors leur film, ça peut être aussi un projet partagé entre la production et l'auteur, c'est toujours un projet partagé. Ouais. Même quand c'est un film pur et dur d'auteur, le producteur a toujours quelque part une part, la part producteur créative, comme disait Daniel Pénac, la PPC, donc ça, on est toujours forcément, c'est un embarquement, quoi. C'est pour ça qu'on avait appelé les armateurs. On arme le navire pour affronter ensuite toutes les aléas d'une production. Et Dieu sait si dans un film d'animation il peut y en avoir. Quand on sait qu'un long métrage, bon, je ne parle que de long métrage, c'est aujourd'hui entre 4 et 5 ans de façonnage, d'effort, de préparation, de recherche de financement, de travail sur le scénario, et puis ensuite la fabrication elle-même du film. Souvent c'est pas ce qui est le plus long, hein. Ça se situe entre 12 et 18 mois grand maximum. Il y a toujours l'idée de regarder aussi un peu partout dans le monde. Il y a la rencontre avec Juan Antin, réalisateur du Mercado Martien. Je n'ai pas parlé, mais c'est vraiment une belle rencontre. C'est pareil, on a là aussi, c'est pas toujours simple de se comprendre, de s'entendre. Moi, je le pousse à aller au plus loin de ses possibles, des recherches, de la. Parce que il avait une très belle idée au départ, bon, une belle histoire déjà, et puis de s'inspirer très fortement de l'art précolombien, péruvien, Inca donc, enfin, mais pas que Inca, de cette période précolombienne. Qui, grosso modo, concerne les territoires du Pérou, du nord de la, du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie. Et du coup, on est allé au Quai Branly, et on a envoyé Adrien Mérigeau en Argentine. Adrien Mérigeau, hein, qui notamment travaille avec Cartoon Saloon. Adrien Mérigeau, qui était le directeur artistique de Brendan et du Song of the Sea. Enfin, Brendan, il était décorateur, mais ouais. Song of the Sea, il a été vraiment directeur artistique. Voilà, donc on a commencé à se travailler avec lui. Maintenant, c'est d'autres qui vont reprendre. On parle avec Rémi Chapman, avec Guillaume Delaunay, qui sont des gens magnifiquement doués et surtout qui savent travailler avec un auteur, avec un réalisateur. C'est-à-dire que Juan a son film complètement dans la tête, ça j'en suis sûr. Mais après, il faut le sortir, quoi. Il faut l'exprimer, le film. Et je pense que l'équipe d'un film d'animation, elle sert aussi à ça. C'est tout un tas de relais artistiques, de passages de témoins entre le réalisateur, son chef décorateur, les character designers, enfin tous ces gens qui, parce qu'on parle énormément des auteurs, on parle moins de tout ce qui se passe dans l'ombre de l'animation. Alors, excuse-moi, avant de revenir là-dessus, parce que c'est important, je te coupe, parce qu'on va revenir exactement sur ça. Olivier Catrin est venu nous en parler. Je veux que tu nous en parles évidemment des European Pride Awards. Donc on va reparler évidemment de cette volonté de parler de tout le monde. Juste une petite chose encore par rapport au line-up de production de Folivari. Est-ce qu'on pense à deux fois et est-ce qu'on se dit que c'est une bonne idée quand on décide de faire une série télé sur Ernest et Célestine? On s'est battu pour le faire en long métrage, ça a donné la réussite qu'on sait. Alors d'abord, c'est pas une série, c'est une collection. C'est une collection, d'accord. Qui est extrêmement bien financée, dont toute l'animation se fera, pas à la maison, mais entre Angoulême et Paris. On a mis au point une méthode qu'on avait déjà un peu testée sur les grandes vacances, qui est d'utiliser la 3D en assistance, mais de pouvoir justement coller au graphisme du film, en sachant qu'évidemment, en faisant un programme pour la télé, l'animation serait beaucoup moins poussé, oui. Comment dire, développé, mais il y aura moins de virtuosité. Enfin, ça sera sans doute une animation. Mais le test d'anime qu'on a fait est très très rassurant. Et d'autre part, il fallait trouver aussi. Moi, j'avais envie de revenir. Ernest et Célestine, le film, c'est quand même d'une certaine façon l'univers de Pénac. Même s'il a ramené assez habilement par moment avec certaines idées, une certaine ouverture sur le paradis d'Ernest et Célestine dans les albums de Gabriel Vincent, c'est un film qui est quand même fortement pénaquien. Bon, c'est bien parce qu'en plus ils se connaissaient, Gabriel Vincent et Daniel Pénac, qui se sont écrits pendant 10 ans. D'ailleurs. Pour petite info comme ça, j'ai retrouvé la valise avec toutes les lettres de Daniel Pénac et de Gabriel Vincent. Et je pense que j'ai très envie un jour d'en faire une expo ou quelque chose comme ça, ou un docu. Enfin, parce que c'est extrêmement émouvant cette correspondance. Mais jamais la retraite, jamais. Non, mais là, il se trouve que c'est pas un hasard, parce que les héritiers de Gabriel Vincent savaient où était le courrier, et donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et moi, j'avais envie de revenir à Gabriel Vincent. J'avais envie de revenir aux albums, à son travail sur l'instant, les petits bonheurs de tous les jours, entre deux personnages totalement marginaux, un ours et une souris. Dans les livres de Gabriel Vincent, c'est vraiment les souris sont plutôt des enfants et les ours des adultes, mais ça reste quand même une histoire de marginaux. Et donc du coup, on a décidé. Il y a eu une très belle rencontre qui est celle de Jean Regnault. Qui a travaillé avec Émile Bravo sur Ma maman est en Amérique. Maman est en Amérique, oui. Ouais, le livre, la BD est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et on a refait une Bible complètement. Et l'idée, c'est de partir maintenant, d'être plus proche des albums et vraiment de faire une collection, 26 épisodes qui racontent l'histoire de de deux personnages marginaux et qui, comment ils vivent cette marginalité, et comment ça, c'est aussi jubilatoire quelque part d'être marginal. Ernest, on vient de Charabie, il chante en charabiof, c'est clairement un immigré de l'Est. Célestine, les souris, c'est pas le monde du dessous, elles sont pas comme dans le film en confrontation permanente avec c'est pas les ours et les souris, mais elles n'empêchent qu'elles vivent quand même dans des trous à rats. Elles sont c'est un peu les damnés de la société des ours. Et donc je crois qu'on va faire une très belle série qui sera différente du film, qui ne sera pas calibrée formatée télé, parce qu'on parle vraiment de sujets qui sont pas forcément habituels dans les séries télé. Et voilà, non, je La première production Folivari devra arriver quand ? Ça sera quoi ? Un long métrage, une série, un spécial ? Alors on fait les trois spéciaux de Benjamin, Le Grand Méchant Renard, un bébé à livret et Un Noël Parfait. Je pense que ça va arriver fin 2016. D'accord. Et on fera sans doute, donc c'est Canal qui a l'exclusivité. On s'est mis d'accord avec Studio Canal, on va essayer de faire une sortie salle quand même de ces trois spéciaux, parce que c'est vraiment trop bien. et voilà, ça sera donc la première. Après, il y aura Ernest et Célestine, Pachamama, qui dont la production devrait commencer en début 2016, ouais. Et puis après, ça va s'enclencher. Il y a plusieurs projets qui. Et je sais que tu as regretté de ne pas être sur Song of the Sea. Quand tu vois Tom Moore au Annie Awards ou quand tu le vois ailleurs, tu lui dis. N'oublie pas pour ton prochain projet, envoie ou des choses comme ça ou non. Bah là, son prochain projet, c'est pas lui, c'est Nora, Nora Toumé, qui a aussi une fille formidable, qui a monté le financement à toute vitesse sur une jolie histoire qui se passe d'une petite fille en Afghanistan. Et sous les talibans, et qui, si j'ai bien compris, Angelina Jolie va coproduire. Il n'y a plus besoin de moi. Dernière petite chose avant de faire une petite pause et de finir sur évidemment Croc-Anime. Je vous conseille de l'écouter. Le speech est très très drôle dans un anglais absolument parfait. Tu as reçu le Winsor McKay Awards, donc Tom Moore a fait un petit speech avant et tu fais un speech vraiment très drôle. Il est sur YouTube, hein, vous tapez et vous avez le speech en entier de Didier Brunner. Il est pas trop long, hein, je vous rassure. Oui, et puis il est très drôle, je vous promets, regardez-le. C'est de là que t'es venu l'envie, Olivier nous en avait parlé, Catherin, de faire les European Pride Awards, c'est-à-dire ce que tu disais à un moment donné de montrer quand même que l'animation, c'est pas si mal que ça. Qu'il faut... Après, c'est de là que m'est venue effectivement cette envie. Aux États-Unis, c'est un peu verrouillé par les grands studios. Hein. Le financement des Annie's Awards aux États-Unis est quand même tenu par, en gros, Disney, DreamWorks, Pixar, Universal. Mais n'empêche que ça existe et qu'ils font donc une grande soirée dédiée à l'animation et tous les niveaux de l'animation. Et je pense que aujourd'hui on a une filière d'excellence, nous, en Europe. On a vraiment des écoles formidables, des talents exceptionnels, des studios qui sont largement au niveau de ce que les Américains. La preuve, c'est que Minions, qui est quand même, enfin, c'est pas un film sur lequel je m'extasie, mais par contre la qualité technique et artistique de l'animation est absolument prodigieuse. Donc je pense qu'il est temps maintenant de faire effectivement une espèce de grande fête européenne où on mettra en avant les animateurs, les storyboarders, les character designers, le son bien évidemment, pourquoi pas aussi les gens qui font les voix. Enfin, c'est un film d'animation, c'est un tout, et c'est encore plus un tout qu'un film de fiction, parce que sur un film de fiction, il y a les techniciens certes, mais il y a surtout le réalisateur et les acteurs qui sont les piliers du film. Dans un film d'animation, il y a pas un réalisateur et puis l'autre côté des acteurs, il y a un réalisateur, il y a des animateurs, il y a des décorateurs, il y a plusieurs piliers. Donc je veux dire, c'est vraiment j'ai vraiment envie que la profession se mobilise et aille vers ce projet. Or, évidemment, on en revient toujours au même problème. C'est comment on le finance. Je sais, pour l'instant, j'ai pas la solution. J'espère qu'on la trouvera. Et on, théoriquement, l'assemblée constitutive de l'association aura lieu le 28 octobre à Paris, le matin. Pour la fête de l'animation. Pour la fête d'animation mondiale de l'animation. On en reparlera évidemment, Olivier encore est venu, Didier est venu, j'espère que vous reviendrez. J'aimerais bien qu'on en reparle. Oui. On en reparlera avec énormément. Olivier. Bien évidemment ici, vous êtes toujours les bienvenus à Bulle de Rêve et on reparlera de cette initiative, même si à un moment donné, bien évidemment, il y a besoin de donner un coup de pouce à l'initiative par rapport au financement et de faire en parler un peu plus que tout le monde. L'idée de Didier Brunner, évidemment, vous le savez, on en avait parlé, est passionnante dans le sens où c'est bien en effet de mettre en avant, de produire des films comme ça qui sont distribués, mais montrer qu'il y a des gens derrière, mettre des noms, parler des équipes, évidemment, c'est important aussi pour comprendre la richesse de ce cinéma. Des gens exceptionnels, quoi. Enfin, quand j'ai su que Didier Brunner venait, c'est pas tout à fait la même histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il nous reste, allez, 7 minutes. On va faire une petite coupure musicale avant de dire un dernier mot sur Croc-Anime. Je me suis dit, j'ai pensé à un grand monsieur dont on avait parlé récemment, dont j'avais fait dans l'émission. C'est Claude Nougaro. Quand Claude Nougaro, à un moment donné, était viré de sa boîte comme un malpropre de disques, est parti en fait aux États-Unis. Est parti là-bas et a décidé de faire son album New York. Et en fait, on pensait, non pas qu'il était fini, mais voilà que, ça y est, Nougaro, c'était fini, c'était un autre monde. Et il est reparti pour refaire une autre musique, un autre style de musique. Et c'est vrai qu'en me disant, quand on a appris Folivari, quand d'un seul coup on voit dans Variety des grandes pages en disant Folivari dit son line-up, etc., on se dit qu'en effet, il y a un peu toujours cette espèce de feu sacré qui est important quand on crée, quand on aide à la création. Et donc voilà, donc on écoute pour quasiment finir New York de Nougaro, le renouveau de Nougaro, et on revient pour dire un dernier petit mot sur Croc-Anime. Merci Ariel. Jambon Duroc. Voilà, donc c'était Nougat York de Nougaro. Je suis encore très content d'avoir pu passer Plume d'Ange, qui reste un de mes morceaux préférés. Je suis content, là, les deux producteurs parlaient ensemble. Récemment, j'étais dans une... Je ne peux pas vous parler de l'association qui va se créer, donc on parlera évidemment bientôt ici. Et il y avait un producteur, j'ai posé une question par rapport à la production, et Marc Dupont-Avis de Xidam m'a regardé dire « Ah là là, quand on parle de la production, et comme si je me moquais un peu de la production. » Alors que pas du tout, c'est parce qu'on ne parle jamais de production, justement, et de producteur. On ne se rend pas compte de l'importance que ça a, de la difficulté, des choses. Et évidemment, l'idée est de parler le plus possible de la production. Donc, je suis content que d'en avoir eu deux aujourd'hui, d'avoir pu parler un peu plus du travail d'un producteur, du travail, voilà, tout ça. C'est quand même fondamental de pouvoir le faire. Merci beaucoup donc d'avoir fait ça. Sylvie, oui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Il nous reste, allez, deux minutes avant la prochaine émission. Est-ce qu'il y a... quelque chose que tu aimerais... Non, je pense que... qu'est-ce qu'on peut dire? C'est venez nombreux au festival. Il est là pour vous, il est là pour faire connaître ce qu'est le film d'animation, pour faire aussi des rencontres avec les réalisateurs, aussi bien avec ceux du son, de vraiment tous les corps de qu'on va retrouver dans l'animation. Mais voilà, je voudrais dire en tout cas merci Alexis pour aujourd'hui, pour cette émission. Et... je voulais aussi remercier Didier et Patrick. Et je vais faire même un petit parallèle. Je sais que t'as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Patrick n'est peut-être pas d'accord, mais je trouve que quelque part, tous les deux ont quand même fait du film prise de vue réelle, ont maintenant aussi l'animation. Et tous les deux, un a déjà fait sur la souris, et le deuxième aussi sur le monde souterrain, avec son prochain projet de long métrage avec Troglodis. Donc il y a vraiment un parallèle. Et en plus, comme dit Didier Brunan, encore une fois dans ce très beau speech, il dit mais pourquoi vous me le donnez? Je suis qu'un producteur adolescent. Je viens à peine de commencer en parlant de Folie Varie et je trouvais ça intéressant justement, même si on a fait des choses importantes, de se relancer. La 8e édition du festival Croc Anime, c'est du 9 au 13 septembre au théâtre de Ménilmontant. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup à Ariel d'avoir été là pour ces trois réalisations. Merci à tout le monde et à très vite pour parler évidemment d'animation. À bientôt. Bye bye.